Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le peintre Jean McCune, poète de la couleur. Je suis allé à Paris et grâce à Riopel, j'ai rencontré des peintres, mais chose étrange, j'ai rencontré des peintres surtout américains. Et c'était peut-être un peu à cause de ça que vous pourrez dire, mais Jean McCune, il est allé à Paris, mais il est revenu avec un esprit de la peinture américaine. Cet esprit de la peinture américaine dont parle Jean McCune à l'émission Présence de l'art en 1987 va le suivre toute sa vie. Ce n'est d'ailleurs probablement pas un hasard que le célèbre peintre québécois soit plus connu de ce côté-ci de l'Atlantique qu'en Europe. C'est à New York, après tout, que la carrière de McCune va vraiment décoller. Cette grande exposition, McCune présente 136 toiles et aquarelles du peintre de la couleur. Pharmacien de son métier, il a quitté sans remords cette profession pour se consacrer à l'exploration de ses espaces intérieurs. Poète, Jean McCune nomme ses toiles « Jardin de givre »,« Les pierres du moulin »,« Corps à corps à fleurs de violet », des titres évocateurs de la liaison magique que le peintre entretient avec son art. La rêverie, les rêves, quand on est éveillé, ils sont vastes. Et je voudrais les rendre, ces rêves, ces rêveries, je voudrais les rendre sur la toile. Il y a une poésie dans la peinture qui, pour moi, est essentielle. Et ça, je voudrais que mes tableaux soient comme des poèmes, si vous voulez, de couleur. Parce que je suis un poète, mais un poète médiocre, à mon point de vue. Les mots me faisaient défaut, tandis qu'avec la couleur, je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais je suis encore poète, si vous voulez, avec des couleurs. Jean McCune au micro du journaliste Paul Toutant dans un reportage présenté au Montréal ce soir en janvier 1988 à l'occasion de la présentation de l'exposition « La profondeur de la couleur » au Musée des beaux-arts de Montréal. Pour nous présenter l'œuvre, le parcours également de Jean McCune, je reçois le galeriste montréalais Simon Blais. Simon Blais, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Bienvenue à l'émission. Merci. Quelle place il occupe pour vous, Jean McCune, dans le paysage des arts visuels du Québec au 20e siècle, Simon Blais? Je dirais que Jean McCune est un peintre unique. Il n'y a rien qui se compare dans ce qui a été fait au Québec et au Canada. C'est vraiment un peintre à part qui a développé un style propre, probablement parce qu'il était autodidacte, mais qui a toute sa vie suivi une ligne de conduite et une façon de travailler qui a fait que toute sa vie, ses œuvres ont été, se démarquaient de tout ce qui se faisait en peinture au Canada. Peintre... peut-être davantage connu par les gens du milieu de la peinture. C'est un grand peintre, mais qui est moins connu que d'autres grands peintres de chez nous. Certainement. C'est d'abord, en étant arrivé plus tard que les autres de sa génération, les Riopel, Ferron et compagnie, dans le milieu de la création, donc il a commencé à peindre sérieusement dans les années 50 seulement. Il n'avait pas fait sa marque comme les autres, puis il n'a jamais participé au grand débat de l'époque. Il était pharmacien, puis il commençait à peine à s'intéresser à la peinture en 48, au moment de la publication du Refus global. Donc, il était à part et il a beaucoup piétiné dans les premières années de sa vie. Ouais. Il s'est fait aider guidé par Bordua, ce qui est une chance inouïe parce que Bordua s'est occupé de lui à partir de 49. Il l'a un peu guidé. McCune allait le voir régulièrement à Saint-Hilaire pour lui demander son avis sur ses derniers tableaux. Mais il a créé son style par lui-même. Comme il disait, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. Ouais. Mais donc, il était à part des autres, puis il est arrivé tard dans le marché. Oui, ce qui explique justement peut-être que... Et puis on y reviendra, mais qu'il n'a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Parlez-moi, vous êtes galeriste Simon Blais, un des galeristes importants de Montréal. McCune exposait chez vous. Parlez-moi de l'importance qu'il a eue pour vous. Ah, c'est une histoire extraordinaire. J'ai eu l'intuition, après avoir acquis en 94 une aquarelle des années 50 que j'avais vendue et que j'ai regretté d'avoir vendue, j'ai eu l'intuition de le rencontrer en demandant la permission à son marchand de tableaux en 94, qui était Gérard Gorce. Je suis allé le rencontrer chez lui pour lui demander de me confier des aquarelles. Et on est au début décembre 94. Jean me montre sa réserve. Il y avait littéralement des centaines d'œuvres jamais présentées, des œuvres allant de la fin des années 40 jusqu'à l'année 94. Alors, je suis reparti ce jour-là avec 4 aquarelles. Et le lendemain, je l'appelle pour dire, ben, je viens d'en vendre une, Jean. Je m'en vais vous voir, je vais vous laisser des sous. Et il me dit, ben, attends un petit peu. Puis dans le temps des fêtes, il se fait hospitaliser. Il avait des problèmes cardiaques à ce moment-là. Donc, je l'ai revu, puis j'ai commencé à le côtoyer d'une façon plus personnelle. Comme ça, je l'ai visité à l'hôpital Notre-Dame, dans sa chambre d'hôpital. Et au moment où je vais le revoir à l'hôpital, je lui dis, j'ai rencontré un éditeur, j'aimerais faire une expo en 95 et j'aimerais faire une publication. Ça va donner lieu à une très belle exposition d'aquarelles où je vais faire un parcours de 4-5 décennies d'aquarelles, ce qui va être une première pour lui. Et je vais faire cette publication avec ce nouvel éditeur qui s'appelait Loup Gouttière. Ça sera ma première publication. L'expo va avoir lieu donc au mois de mai. Et le jour d'ouverture de l'exposition, son marchand m'appelle, Gérard Gorce, il me dit, tu vas voir, ça se vend pas les aquarelles, je te souhaite bonne chance. On a fait un tabac. On a fait une exposition extraordinaire et on a eu la presse pour nous. On a eu Gilles Daigneault que vous avez reçu ici, qui nous a fait un topo extraordinaire à Radio-Canada. Donc, c'est un peu l'expo qui a lancé la galerie finalement. En 95, les affaires allaient encore mal après la crise de 90 qui avait mis littéralement à genoux la plupart des grandes galeries de Montréal. Nous, on commençait. L'expo de McEwen a été le point tournant. Pour nous, ça a été un moment de gloire parce que l'expo était belle, était magnifique, on a eu un succès et on a eu la confiance, j'ai gagné la confiance du peintre comme ça. Et de ce jour, parce que j'avais trouvé aussi une formule, c'est-à-dire présenter les plus grands peintres d'ici, mais pour leurs œuvres sur papier, ce que personne n'avait jamais eu, ça a donné aussi un air d'aller à la galerie. Puis à partir de ce jour-là, tout est allé mieux. Un petit mot sur l'homme, vous l'avez donc connu. Quel genre d'homme il était? Alors, nous, on le voyait à la galerie, il était toujours souriant, toujours heureux, et il venait nous voir en sortant de l'atelier. Il avait son atelier au complexe du canal, il travaillait tous les jours, le matin, de probablement 8 heures à midi. Et puis, quand il avait fini d'examiner puis de réfléchir et de méditer sur son travail de la journée, il passait nous voir. Puis, il était toujours guilleret. Alors, il venait, il était heureux, puis surtout, imaginez, vers la fin, quand on a fait l'exposition un peu plus tard, il était sur un nuage parce que tout le monde avait reconnu enfin la grandeur de son travail. Mais donc, c'est quelqu'un qu'on voyait dans des belles conditions. Ouais. On a fait voyage à Québec avec lui, Sylvie et moi. On a donc connu un homme qui était humble avant tout, qui se méfiait toujours du succès, qui ne croyait pas à la permanence du succès. Et quelqu'un qui était estimé de tous, de ses pairs. D'études en pharmacie à la pratique de la peinture, il y a une marge. Racontez-nous un peu c'est ça, Simon Blais. Mais c'était, écoutez, ce qui est étonnant, c'est qu'avant même de faire ses études en pharmacie, dès 1943, il publie ses premiers poèmes dans les revues du temps. Donc, il envoie ses poèmes et il les voit être publiés. Donc, 43, 44, 45, tout à coup, donc c'est un poète. D'abord et avant tout. Aucune velléité. C'est d'abord un poète, en plus d'être en train de faire des études de pharmacie. Et en 46, il voit le célèbre film sur la vie de Paul Gauguin, qui s'appelle The Moon and Sixpence. Il a une épiphanie. Il voit dans ce film ce grand peintre qu'il admirait tant, il comprend que Gauguin avait été banquier, avant tout, qui avait gagné sa vie en tant que banquier, puis ensuite avait tout balancé, était devenu peintre, et devenu peintre qu'on connaît. Ce jour-là, McEwen, il nous a raconté, il est sorti du cinéma, puis il est allé chez Omer de Serres sur la rue Sainte-Catherine, et s'est acheté des couleurs, des pinceaux, des toiles, et il s'est mis à travailler. C'est possible, ce sera possible pour moi aussi. C'est possible pour moi. D'être puis pendant un bon bout de temps, en fait, il sera ou pharmacien, ou il travaillera dans une compagnie pharmaceutique en même temps qu'il peint, et ce sera ça sa vie. Pendant ses études, il travaillait dans une pharmacie, donc comme assistant, puis une fois gradué, il a peut-être continué là, mais très rapidement, il s'est rendu compte que c'était plus intéressant pour lui de travailler comme représentant pharmaceutique. Donc, il était sur la route. Alors, il travaillait pour la compagnie Frost. Ouais. Et en faisant ça, bien, il allait chez les médecins. Et on a entendu là aussi des anecdotes extraordinaires parce qu'il y avait les files d'attente dans les cabinets de médecins dans les années 50-60. Puis quand j'arrivais avec son petit sac de représentant et sa mallette de tableau, il passait devant tout le monde. Puis là, le médecin, il le recevait pendant une demi-heure, une heure. Et plus tout le monde attendait dans la salle d'attente. Que vendait-il dans le cabinet du médecin? Et ça, c'est la bonne question. Après avoir parlé des pilules, il vendait des petits tableaux. Et sa meilleure clientèle, ça a longtemps été les médecins. Ouais. Un petit mot sur le poète qu'il a été. On l'entendait lui-même dire « ça fait partie de ma peinture, puis ça, on va y revenir, mais je t'aime pas trop habile, disait-il à l'instant, avec les mots, je suis meilleur avec la couleur et avec la peinture. Mais quand même, on la retrouve, cette poésie, dans ce qu'on voit quand on est devant un tableau de McEwen, mais aussi dans les titres. L'amour des mots, il va l'accompagner dans les titres qu'il va donner à ses tableaux. Toute sa vie. Mais il disait de toute façon qu'un tableau devait avant tout avoir une charge poétique, qu'il n'avait d'intérêt que par sa charge poétique. Il disait, si au premier regard, on sent la poésie dans l'œuvre et qu'au deuxième, on la trouve toujours, et qu'au troisième, c'est encore le cas, c'est que c'est un tableau réussi. Donc, cette notion-là de charge poétique, de probablement de liberté aussi dans la création, faut toujours imaginer que dans, l'approche de la peinture, il n'y avait jamais d'idée préconçue. Ouais. Il n'y avait pas un plan. Donc, tout était fait de façon très intuitive et très émotive. Sa peinture est à fleur de peau. Et donc, les titres venaient compléter Des titres magnifiques. C'est magnifique, la poésie. Accordée. Écoutez, je vais vous en donner quelques-uns. On a parlé des meurtrières traversant le jaune et la verticale nocturne, miroir sans image. Imaginez que la beauté d'image. Ça s'est terminé, tout ça, après Les Compagnons de silence. Ça s'est terminé par une série qu'il a appelée Poèmes barbares. Oui. Parlons de sa peinture comme telle maintenant. On l'écoute d'abord lui-même en parler à Carnet Arts et Lettres en 1973. En fait, il va dans cet extrait, puis ce sera important pour la suite, bien sûr, nous parler de ses premières grandes influences. J'ai découvert Monet à Paris et j'ai été imprégné de ce jeu de lumière qu'on retrouve aussi de chez les impressionnistes, qu'on retrouve, c'est cette lumière qui passe à travers le feuillage. Et ceci est resté éternellement en moi. On retrouve toujours cette préoccupation d'un jeu de couleurs les unes sur les autres. Alors ça, disons que c'est un départ, moi, l'enchantement des Nymphéas de Monet, au tout début. Et aussi, ajouté à ça, il y a eu l'influence qui ont créé chez moi les peintres comme Bordua, Riopelle, qui lui aussi d'ailleurs, et je pense que de ce côté-là, on a été influencé un peu par ces juxtapositions de couleurs et ces transparences. Lumière, couleur, transposition de couleurs, transparence. Parlez-nous, Simon Blais, de ces premières influences de Monet, de Bordua, de Riopelle, de l'importance que ça aura dans sa peinture, au début en tout cas. Oui, bien, d'abord, au début, on a parlé de Gauguin. Donc, les premières œuvres étaient sous l'influence des couleurs tropicales de Gauguin. Mais rapidement, quand il rencontre Bordua, il va travailler un peu à la manière de Bordua. Bordua va le guider, même s'il ne lui disait pas quoi faire, il va l'amener sur ces pistes-là. Puis probablement que Jean cherchait à lui plaire aussi. Mais donc, il a travaillé jusqu'en 1951, vraiment beaucoup sous l'influence de la peinture automatiste québécoise et de Bordua. Quand il arrive à Paris en 1951, puis en 1952, il découvre les Nymphéas, ces fameux tableaux immenses et les polyptiques de Monet. Il réalise comment, d'abord, la somptuosité de la couleur, le format immense était fantastique, c'est un rêve pour lui. Mais donc, il réalise à ce moment-là ce qu'il vient de mentionner, cette idée de la lumière qu'on voit à travers les couches de feuilles. Mais en fait, c'est le miroitement du soleil sur la surface des bassins de Nymphéas. C'est ce qui va le fasciner et qui va chercher à reproduire plus tard, parce qu'au retour de Paris, il ne va pas immédiatement travailler comme ça. Ils vont continuer à travailler au pinceau et à la spatule. Mais donc, à Paris, ça a été la révélation. Mais vous savez que la plupart des grands artistes de l'après-guerre, les Riopelle, qu'il a avoué lui-même avoir été influencé, et d'ailleurs, vous savez que l'un des plus grands tableaux et plus extraordinaires tableaux de Riopelle, le fameux Pavane qu'on voit au Musée des beaux-arts du Canada, s'appelle Pavane en hommage aux Nymphéas de Monet. Donc, Riopelle l'a admis. Jackson Pollock, en allant à Paris, a vu des tableaux de Monet. Joan Mitchell et son ami Sam Francis, donc ce peintre américain que Jean a côtoyé, avec qui il est devenu ami. Sam Francis a toujours dit comment la peinture de Monet avait été importante. Ouais. Donc, cette influence est présente dès le milieu des années 50, sans s'afficher avant qu'il trouve vraiment sa voie. Oui, puis on y reviendra à ce déclic qui viendra graduellement. En fait, il s'imprègne de ce qu'il voit à Paris en 51-52, puis c'est plus tard, vers 55, qu'il se trouve. Mais un mot quand même sur cette période-là. Vous avez parlé de Sam Francis, on a parlé de Riopelle. C'est ces gens-là qu'il va fréquenter. C'est important pour lui, ce séjour de Paris en 51-52. Oui, absolument. Il se régénère, puis il a très peu travaillé là-bas, en fait. Alors, c'était les visites de musée, les amis, la découverte donc de l'histoire de la peinture. Jean était fasciné par l'un des plus beaux tableaux qui, pour lui, au Louvre, qui était de Eugène Delacroix, qui s'appelait « La victoire de Sardanapale ». Et c'était un tableau énorme d'abord. Imaginez encore cette idée du tableau immense, datant de quoi, 1830 peut-être, où c'est une scène de bataille où le général Sardanapale, à l'époque des Romains, est décédé. Mais là, c'est une montagne de corps et de la dorure partout. Et il me disait souvent aussi que ce tableau l'avait tellement inspiré. Il disait « Je ne serai jamais capable de peindre ce tableau de Delacroix ». Alors imaginez que dans mes tableaux, ce que vous voyez, c'est un rideau rideaux. Et la ligne centrale, c'est aussi la ligne de jonction des rideaux. Et si vous aviez, si vous pouviez ouvrir les rideaux, vous verriez derrière le tableau de Delacroix. Et cette ligne centrale, c'est aussi, pour revenir à Monet, c'est aussi... Le tronc d'arbre qu'on voit dans les grandes compositions. Tout à coup, la composition est coupée par le tronc d'un saule. Oui. Donc ça, ça va rester, encore une fois, toute sa vie. Et ça va se préciser. Donc, à son retour de Paris, où il fréquente ce milieu de l'époque, ses peintres, beaucoup les peintres américains, il revient au Québec et il se cherche, au fond, pour finalement trouver sa voie au milieu des années 50. On écoute parler de ce qui va se passer en lui à l'émission La Grande Visite en 1988. J'ai rencontré des peintres américains, dont Sam Francis, par exemple, qui, eux... justement, contrairement à ce qui se faisait ici, essayait de développer la toile dans son ensemble et non pas des objets, même s'ils étaient abstraits chez Bordua, ce sont des objets sur des fonds. Et il y a eu, pour moi, toute une découverte que j'ai dû assimiler. C'est-à-dire, quand je suis revenu, j'y ai pensé longtemps et ça me prend du temps. Alors, ça finit par démarrer et j'ai compris qu'après une exposition chez Agnès Lefort, j'ai compris... Si tu veux faire de la peinture, fais-en, mais fais pas du Bordua. Ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait des transparents, c'est-à-dire qu'il y avait des parties de couleur qui restaient, qui n'étaient pas recouvertes de peinture, et j'ai trouvé quelque chose qui était tellement plus près de moi que tout ce que je faisais avant. C'était le début, ça a été le début accepté plus tard, c'était le début refusé, parce que le premier tableau que j'ai fait, le premier tableau que vous avez là, les pierres du moulin, je l'ai fait, et je suis parti en vacances en maugréant la peinture, en disant « j'en ferai plus jamais, c'est horrible, c'est un fiasco ». Je suis revenu 3 semaines après, j'ai regardé ça, mais j'ai dit « diable, c'est ça qui est bon ». C'est donc à son retour de Paris, c'est fascinant ce qu'on vient d'entendre, Simon Blais, il revient de Paris et c'est là qu'il découvre son style petit à petit, que tout ce qu'il a vu inconsciemment absorbé là-bas, tout à coup ça prend forme dans sa peinture. L'année 55 va être importante pour lui. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Pourquoi? Et à quoi correspond ce déclic en fait? Alors, le déclic, ça a commencé fin 54 quand Jean était épuisé de voir qu'il arrivait à rien, malgré le fait qu'il a peint des tableaux à la Bordua, à la Riopelle, qui sont magnifiques, mais qui ont presque tous été détruits. Mais il se dit, ça marche pas, je veux recommencer. Puis il y a eu cette idée de peut-être de travailler à la manière des peintres américains. Il prend des toiles déjà peintes, donc tout empâtées, puis il veut les recouvrir de blanc pour se faire des nouvelles surfaces pour peindre. Puis avec le pinceau, ça fonctionne pas. Alors il met ses mains dans la peinture, puis c'est avec les mains qu'il recouvre des toiles toutes colorées et toutes empâtées. Puis là, il se rend compte qu'effectivement, il y a la couleur de fond sous-jacente qui apparaît tout à coup en surface. Donc, les premiers tableaux, c'est là qu'il y a cette révélation, c'est le blanc recouvrant une surface colorée avec des crevasses, avec la couleur qui transperce, sera sa manière parce qu'il voit que c'est... D'abord, il réussit ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire d'utiliser l'ensemble de la surface, qu'on appelle le « all-over américain ». Tout à coup, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'objet, c'est l'ensemble de la surface qui est la composition. Et cette idée de transparence, c'est une révélation pour lui. Et donc, tous les premiers tableaux seront des tableaux blancs, peint sur des toiles déjà achevées, ouais. Et auquel il va donner une nouvelle personnalité, une nouvelle vie. Et ce qui va rester, c'est l'idée de la transparence, mais la couleur, évidemment, c'est le peintre de la couleur. McKeown, la couleur va réapparaître, va revenir très, très vite dans ce qu'il va présenter, entre autres, en 63, à la galerie Martha Jackson de New York. Ça va être vraiment important pour lui. C'est ce qui va faire que sa carrière explose. Mais là, déjà, la couleur est de retour. Mais parlez-moi de l'importance qu'aura cette année, 63, et cette exposition à New York. Alors, c'est une marque de reconnaissance remarquable parce que, déjà, il avait réussi à bien faire avec son marchand, chez son marchand Walter Moose à Toronto. Et c'est Walter qui l'avait présenté à Martha Jackson lors d'une exposition à Montréal. Martha était venue, avait vu la jeune peinture montréalaise et Moose l'a présenté. Puis elle a tout de suite acheté des tableaux de Jean en 63, puis elle l'a invité à faire une expo. Et donc, lui, d'avoir la chance d'être présenté sur les mêmes cimaises d'une galerie avant-gardiste de New York où ta pièce exposait, où déjà elle avait présenté Bordua. Martha Jackson était celle qui avait présenté Bordua à New York. Il s'est retrouvé à côté des œuvres de Fontana, d'être là, d'abord dans une expo de groupe, puis ensuite son premier solo en 63. Ça a été pour lui un point tournant. Et d'avoir... Elle avait beaucoup d'influence, Martha. Elle a vendu des tableaux comme ça au moment. Puis elle en a vendu à Joseph Hirshhorn, qui va un jour donner son énorme collection au Smithsonian à Washington. Donc, ce musée et la présence des œuvres de Jean dans ces grandes collections américaines va faire en sorte qu'il va être présenté dans des expos de groupes qui vont faire le tour de l'Amérique, ouais. qui vont aller en Amérique du Sud et tout. Ça n'a pas changé radicalement sa vie ici, parce que déjà, il avait commencé à connaître le succès avec ses œuvres de peintes en 61-62. Il vendait toujours par l'entremise d'Agnès Lefort à Montréal, ouais. et surtout chez Mousse à Toronto. Mais l'année 64, elle, va être le grand moment. Qu'est-ce qui se passe donc cette année, donc en 1964? Alors, en 63, le gouvernement canadien cherchait à refaire le nouveau drapeau canadien. Ils n'y arrivaient pas. Puis la Chambre des communes a décidé de lancer un concours aux artistes. Et la revue Canadian Art a fait des appels de dossiers. Ils ont eu 950 dossiers soumis. Jean y a participé. Il a envoyé une maquette de ce qui pourrait être un nouveau drapeau canadien. Puis tout à coup, le drapeau de Jean avait cette structure horizontale, une croix au centre, quatre coins peints, et le tout en rouge et blanc. Et son tableau n'a pas été retenu, mais aujourd'hui, on a un drapeau rouge et blanc avec un élément central. Et il va passer, en attendant le résultat du concours durant toute l'année 64, il va passer l'année à peindre des tableaux ayant cette forme, le motif cruciforme, et tout ça en rouge, avec des blancs, avec des noirs, avec des bleus. Et ça va faire une série mythique, aujourd'hui mythique, que tous les collectionneurs veulent acquérir, qui s'appelle Les drapeaux inconnus. Oui. Et puis ça va se poursuivre, donc, cette carrière, mais c'est lancé. Reconnaissance oui. à ce moment-là. Il fait partie des ligues majeures. Il a cette Absolument. Idée brillante, cette série des drapeaux. Puis on connaît la suite. Il va, cela dit, puis on boucle déjà la boucle, Simon Blais, avoir une belle carrière, une reconnaissance certaine dans le milieu des arts, mais pas à la hauteur peut-être de ce qu'on aurait pu attendre. Il y a d'autres peintres qui seront plus connus que lui. Vous avez déjà un peu évoqué les raisons pour lesquelles Henri Oppel, oui. bon, ils sont partis de ce mouvement des automatistes. McEwan est un petit peu à côté de tout ce monde-là. Puis il va attendre cette reconnaissance quand même longtemps. Elle va finalement venir à l'échelle québécoise. En tout cas, en 98, il va remporter le prix Paul-Émile Bordua. Qu'est-ce que ça va représenter pour lui, ce prix-là? Il est presque au moment de sa mort, là, quelques années avant. Évidemment, il ne le sait pas, mais en 98, ça fait 10 ans qu'il attend ce jour, parce qu'en 87, il y avait eu l'expo au Musée des Beaux-Arts, qui était la première grande reconnaissance pan-canadienne. Et puis, il s'imaginait que, parce qu'il avait eu cette si belle expo, que le secrétariat des prix du Québec allait lui attribuer le prix Bordua. Et chaque année qui passait, le voyait malheureux d'apprendre que c'était toujours un autre et souvent un plus jeune qui avait le prix. Puis, finalement, on lui attribue en 98. Il le sait dès l'été, nous, il ne l'a pas dit. Puis, il préparait une exposition chez nous. Ça a changé sa vie parce que tout à coup, il y avait cette dernière reconnaissance qu'il attendait. Mine de rien, ça venait aussi avec un beau chèque. Et puis, il a passé un été en état de grâce à préparer une série de tableaux que nous, on allait présenter dans un catalogue important, une expo majeure, qui allait s'appeler « Les poèmes barbares », donc la série des poèmes barbares de 98. Et il était venu nous voir, je pense, le jour de son anniversaire en décembre, durant l'exposition, ouais. l'expo, tout heureux, disant « J'ai vu un documentaire sur Frank Lloyd Wright hier soir et j'ai appris que c'est à partir de l'âge de 75 ans que Wright a fait ses plus belles constructions, ses plus beaux projets d'architecture. » Alors, il nous disait tout fier, « J'ai toute la vie devant moi. Ouais. » Il est mort 3 semaines plus tard. Ouais. C'était un plaisir, c'était fascinant de vous recevoir, Simon Blais, propriétaire de la galerie Simon Blais à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur la nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.